alphabet de sillage. Il lui faut repartir, aiguilleur de lézarde, essayer d'autres ruses. La main glacée du soir fomente un jardin clos. Doigts trembleurs grillageant les lèvres des sanglots qui s'ouvrent lentement sur une plage étale, au-delà des étoiles où la nuit va brunir. Dehors, la pluie se fait battante, véhémente, et le L dans un ruissellement d'amante. Paroles dérobées au livre des collines. Deux cœurs, deux initiales enluminées sur l'eau. Il redescend les marches de cendre sans rien dire. Mains croisées où s'allument des lignes de fortune au couchant des caresses, plus loin que la détresse de l'ombre. Souviens-toi, je t'écrivais des mots très vieux, presque des cris, des îles coloriées par le sang de mes veilles, courant dans les couloirs tuméfiés de mes veines, vers ton pays d'hiver, avec son ciel de traîne, pâle à en dépérir. Nous marchons sur des cendres qui tissent une zone beaucoup plus étendue que la terre d'ozone où battent sous le vent nos semelles trouées. Les plus riches tombeaux ne sont que des nuées édifiées pour masquer nos lambeaux, nos arnaques. Mais ni les grelots secs des sanglots, ni les sacs à chagrin, ni les arcs bandés de nos sarcasmes ne pourront bien longtemps ici nous servir d'armes, de patience massive. Combien de temps attendre que naisse sous la dalle une empreinte de cendre dans le champ des aïeux qui soit un peu la nôtre en même temps qu'une autre. Espérance incertaine qui emprunte nos traits. L'espace d'un visage dérobé à la nue dont nous sommes tous nés. Dans la rue, dans la nuit, il entend s'emballer le moteur de la pluie et l'infernal balai des ombres suffocantes errer entre les trombes comme des sycophantes aux silhouettes oblongues. Studieusement, il marche dans la nuit capitale. Il fend d'un souffle égal des feux secs, du froid mort. Le mystère du cœur est emmuré d'eau forte. L'écho des fêtes d'or d'une déesse à cortes tombe au milieu de ces images. Pas de vagues. Nulle rive annoncée par ce chaton de bagues que l'on tourne en rêvant de serments. Et il bâille dans son lit d'infortune, à part, vaille que vaille.